La technologie de la fission nucléaire ne divise pas que les atomes. Qu'on soit pour ou contre, on n'a pas forcément toujours réfléchi à toutes les implications. On n'est pas forcément très bien informé non plus. Difficile de séparer le bon grain de l'ivraie quand les croyances et les idéologies d'un bord comme de l'autre occupent le terrain et polluent l'information fiable et vérifiée. Ce soir, nous parlons nucléaire, plus précisément fission nucléaire, c'est-à-dire les centrales nucléaires, à ne pas confondre avec la fusion nucléaire, le phénomène qui se produit au cœur des étoiles, comme notre Soleil, et que nous cherchons à reproduire sur Terre, notamment avec le projet ITER que nous avions exploré il y a longtemps dans notre épisode 14 sur la physique des plasmas. Sauf que, comment aborder un sujet aussi sérieux quand on n'y connaît rien et qu'on est en mode vacances? Eh bien, nous avons beaucoup de chance d'avoir avec nous un auditeur très motivé qui s'est documenté sur la question et qui avait envie d'en parler. Nous sommes avec Yves, nous sommes le 16 août 2002, bien, de 2012. Bienvenue sur Podcast Science. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 99 ou 99, dernier épisode, alors avant-dernier épisode de la saison 2, c'est bientôt la centième qu'on va fêter. À mes côtés, physiquement, en chair et en os, dans nos studios de Lausanne, Yves. Salut Yves, bienvenue. Bonsoir. Et en duplex de Paris, j'adore dire ça, Nico. Salut. Et Franck. Salut. Voilà, et on a personne de Lyon, Marco n'est pas des nôtres ce soir. En fait, Marco, est, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, il est dans l'attente d'un heureux événement. Alors si ça se trouve, il est à la maternité, là. On pense très fort à lui, si c'est le cas. Yves, on va peut-être juste dire deux mots de ta démarche avant de t'écouter. Donc, tu m'as contacté, c'était quoi, en mars, avril, je crois. Fin avril, où tu avais très envie de nous proposer un dossier sur le nucléaire. Puisque ça n'avait pas encore été fait. Exactement. Je t'ai répondu avec une longue tartine. Je dis, ouais, mais attention, c'est pas si simple, il faut que ton dossier soit nickel, il faut qu'on se voit, tout ça. Enfin bref, tu t'es pas découragé. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu as bossé comme un fou, et puis ce soir, tu nous as préparé un magnifique dossier qu'on se réjouit beaucoup d'écouter. Oui, en espérant que ça tienne dans une fenêtre de temps raisonnable. Écoute, on va démarrer tout de suite, donc on va commencer avec un peu de théorie. Oui, tout à fait. Alors bon, juste une petite introduction pour dire que le dossier va essentiellement couvrir l'aspect historique du nucléaire civil, comment ça a commencé, pourquoi les accidents, enfin pourquoi non pas vraiment, mais ce qui s'est passé pendant les accidents, et puis esquisser quelques futurs possibles. Alors effectivement, un peu de théorie pour commencer, la fission nucléaire consiste à casser un noyau d'un élément lourd, les éléments chimiques qui constituent la matière, les atomes. Donc une fois cassé, un noyau va se diviser, se scinder en deux éléments instables, et le principe est de récupérer l'énergie produite par cette fracture grâce, entre guillemets, à l'équation d'Einstein, E égale mc2, parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment de la séparation des atomes, il y a une certaine perte de masse, et cette masse est donc convertie en énergie, notamment l'énergie du déplacement des noyaux. Et aussi, accessoirement, il y a l'éjection de deux composants qu'on appelle des neutrons. Alors oui, je pense qu'il va falloir repartir de la base. Un atome est composé d'un noyau et d'un nuage électronique, et au niveau du noyau, on a deux éléments, je ne vais pas dire élémentaires, mais plutôt intermédiaires, que sont le proton et le neutron. Et je vais m'arrêter là, parce que c'est très complexe, et ça suffira pour comprendre la suite. Donc, lors de la fission, il y a un certain nombre de neutrons qui sont produits, en général entre 2 et 3, et c'est important de le préciser parce que c'est eux qui vont entretenir la réaction en chaîne. Voilà. Le principe maintenant technologique, c'est que... Excuse-moi, Yves. Oui ? Qu'est-ce que tu entends par neutrons qui sont produits, en fait ? C'est-à-dire qu'ils sont libérés du noyau ? C'est ça. Mais ils sont pas créés à partir du néant ? Non, ils sont éjectés. D'accord, ok. Okay. Tout à fait. En même temps, il y a aussi des radiations qui sont émises. Et c'est l'aspect dangereux, on va dire, de la fission nucléaire. Ensuite, autour de ce principe, on va construire une technologie, un réacteur, dont la fonction va être de convertir de récupérer l'énergie sous forme de chaleur de cette fission et ensuite de l'amener à une turbine pour produire de l'électricité. On peut faire énormément d'autres choses avec. Par exemple, il y a des alternatives pour produire de l'hydrogène ou d'autres pour produire des bombes. Ouais, tout à fait. Mais on va voir. Donc, les deux tiers des réacteurs qui sont déployés sur la planète sont sur un même principe technologique. Et dans ce contexte-là, la chaleur au cœur du réacteur est aux alentours de 300 degrés. Et cette énergie doit être transportée du cœur du réacteur vers l'extérieur par un caloporteur, en général liquide, mais ça peut être gazeux aussi. Un caloporteur, c'est calorie porteur, donc c'est le transport de la chaleur. Ok, excellent. On utilise souvent de l'eau légère, dans certains cas de l'eau lourde. Donc l'eau lourde, c'est une variante de l'eau, l'eau H2O, c'est-à-dire un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. L'hydrogène existe dans la nature sous trois formes qu'on appelle des isotopes. Donc l'isotope, c'est une variante de l'atome avec une composition du noyau différente. Très souvent, c'est le nombre de neutrons qui change. L'hydrogène, dans l'état le plus fréquent dans la nature, ne contient qu'un seul proton au niveau de son noyau. Il existe des variantes où le noyau est constitué d'un proton et d'un neutron, ou d'un proton et de deux neutrons. Ce sont le deutérium avec un seul neutron et le tritium avec deux neutrons. Donc ce sont les trois variantes des trois isotopes de l'hydrogène. L'eau lourde est en fait un D2O. Le D remplace le H et veut dire deutérium. Donc on a un atome d'oxygène et deux atomes de deutérium, c'est-à-dire de l'hydrogène avec un proton et un neutron pour chaque noyau. Voilà, donc ça c'est l'eau lourde dont on entend beaucoup parler et je viens d'expliquer en quoi elle est constituée et ce qui fait sa différence par rapport à ce un litre d'eau lourde, ça pèse donc beaucoup plus qu'un kilo alors? Tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'elle est lourde. C'est pour ça qu'elle est lourde. Et tu sais combien ça pèse? Non. Non, pas exactement. J'ai pas fait le calcul. Je vais essayer de regarder ça. Je suis sûr que tu prends eau lourde sur Wikipédia et tu trouves tout de suite sa masse volumique. D'accord, je vais regarder. Merci. Et ensuite, ce caloporteur, quand il est liquide au niveau de l'eau, on a soit la forme sous pression, pressurisée, soit forme bouillante, c'est-à-dire que sa température avoisine les 100 degrés, et donc il y a formation de poches de gaz. Il y a d'autres variantes de caloporteurs comme le sodium et les gaz, on verra ça un peu plus loin. On a Nabla dans la chatroom d'ailleurs qui nous précise que Superphénix utilisait du sodium justement comme caloporteur. Oui, mais ça n'est pas un... Ouais. Mais c'est une autre génération de réacteurs, là je... Toi, t'en parleras sans doute un peu plus tard, j'imagine. J'en parle après, okay. Effectivement. Parfait. Donc sur le principe, là je suis sur le réacteur à eau pressurisée qui constitue la majorité de ce qui est déployé dans la planète. Et sur le principe de l'extraction de sa chaleur, donc au cœur du réacteur, on est autour de 300 degrés. La chaleur est transportée par le caloporteur sur un circuit primaire. En général, l'eau légère sous pression est à 155 bars dans ce circuit, ce qui explique les risques d'explosion. Et la chaleur est échangée vers un circuit secondaire qui entraîne les turbines et un alternateur. Yves vient de voir l'illustration de Nico sur le live. Voilà. Donc, ça entraîne la turbine. La turbine, on peut imaginer la soufflante d'un moteur d'avion. On a la vapeur d'eau qui passe à travers et qui va entraîner un axe. Cet axe est relié à un moteur inversé, un alternateur, donc la rotation de l'axe va générer du courant derrière qui est injecté sur le réseau électrique. Grosso modo, ce modèle le plus répandu a un rendement global environ de 33%. C'est-à-dire que la puissance électrique qui sort de l'alternateur correspond à 33% de l'énergie qui a été émise par la fission. Ok. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait des réacteurs avec de l'uranium ? Ben, disons, l'uranium n'est pas vraiment un choix. Il s'agit en fait du seul élément qui est, à l'état naturel, fissible sous forme d'un isotope qu'on appelle l'isotope 235. Alors, j'ai déjà parlé d'isotopes pour l'hydrogène. On identifie les isotopes en fonction de leur nombre de masse, c'est-à-dire en gros le nombre de protons ou neutrons qui constituent le noyau. Et l'uranium est majoritairement disponible dans la nature sous forme de deux isotopes, le 238 qui lui est stable et le 235 qui lui est fissible. Et c'est le seul élément isotope de la nature qui est naturellement fissible. Donc il suffit qu'un neutron le rencontre et le noyau se fissionne immédiatement. Il y a même un cas, c'est que cette fission peut se provoquer de façon naturelle. Voilà, alors l'étape suivante, c'est que ces neutrons qui circulent dans le cœur, comme je viens de le dire, la fission est déclenchée par un neutron, et ces neutrons, ils doivent bien venir de quelque part, ils viennent d'une autre fission, et c'est le principe de la réaction en chaîne, en fait. Chaque fission va générer deux ou trois neutrons, et ces neutrons vont être soit interceptés pour la chaleur, soit intercepté par un atome d'uranium qui lui va fissionner aussi, ou alors il peut être perdu et soit intercepté par la gaine du combustible ou le métal de la cuve. Donc toute cette science, on va dire, les probabilités de production des neutrons, parce que évidemment tous les noyaux qui sont les noyaux qui sont produits lors de la fission, ces deux noyaux, sont tout le temps différents. C'est une statistique. Il n'y a pas deux éléments particuliers qui sortent à chaque fission. Ce sont des moyennes, des éléments qui sortent, et le nombre de neutrons qui est produit est aussi statistique. Des fois c'est deux, des fois c'est trois. Et toute cette science du calcul statistique et du fonctionnement interne d'un réacteur, ça s'appelle la neutronique. Je ne peux pas en dire plus sur le sujet. Je vous l'avoue. La neutronique, je note, c'est toujours bien placé dans une soirée. Voilà. Alors, à l'issue de tout ça, les neutrons qui se promènent dans le cœur vont être interceptés par des noyaux qui étaient initialement stables et qui deviennent instables, plus lourds. En étant instables, ils vont se désintégrer, donc ça va provoquer des radiations. J'en reparle juste après. Et si on avait déjà des noyaux lourds, comme l'uranium-238, qui fait partie du combustible, on obtient des noyaux qu'on appelle des transuraniens. Alors, transuraniens, c'est parce qu'ils se trouvent plus loin dans le tableau périodique des éléments. Ils sont plus lourds que l'uranium, on les appelle les transuraniens. Et parmi ceux-ci, il y a le fameux plutonium-239, dont on parle beaucoup pour la bombe. Effectivement, et pour son aspect dangereux. Et pour la DeLorean Volante dans Retour à la Future aussi. Oui. Qui fonctionne au plutonium 239. Ben oui, oui, oui. Pardon, continue. Ok, on va juste profiter de l'interruption. On a la chance d'avoir Dr Goulu dans la chatroom, on a du beau monde ce soir, qui apporte une précision. Il dit attention, subtilité de vocabulaire, le seul isotope fissile naturel est l'uranium-235, les autres étant produits artificiellement. A contrario, le terme de fissible renvoie à des isotopes susceptibles de fissionner uniquement sous l'effet d'un bombardement de neutrons rapides. Ça vient de Wikipédia. Oui. Merci pour la précision. Alors, effectivement, je corrigerai le dossier. Parfait. Tu voulais encore enchaîner avec un point théorique, hein, je crois. Ah oui, c'est un petit rappel sur la radioactivité. Je ne vais pas en dire beaucoup. Je vous invite à écouter l'épisode 32 de Podcast Science sur le sujet que nous a préparé Alan, il y a quelque temps déjà. Je vais assez courter, la radioactivité a été découverte par Becquerel et confirmée ensuite par Pierre et Marie Curie. On a trois types de radioactivité, on a des rayonnements alpha qui correspondent en fait à l'éjection d'un noyau d'hélium. On a ensuite les rayonnements bêta, c'est une éjection d'électrons ou de positrons. Et ensuite, on a le dernier type de rayonnement, le plus dangereux. Alors oui, tiens, je sais pas. Le rayonnement alpha est tout de suite intercepté par une feuille de papier, donc il n'est pas très dangereux. Une fois que l'élément radioactif qui est producteur alpha est emballé dans un contenant, il n'y a pas de danger pour les personnes qui se trouvent à l'extérieur. Le rayonnement bêta, par contre, il faut déjà une feuille d'aluminium pour l'intercepter. Et enfin, le rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc ce sont des photons très énergétiques qui sont produits. Et ce type de rayonnement est tout juste atténué par d'imposantes épaisseurs de plomb ou de béton. On n'arrive jamais à le bloquer. Et ce sont ces rayonnements gamma qui sont les plus dangereux à proximité d'un noyau radioactif. Voilà. Après, bon, il y a plusieurs unités de mesure. Becquerel a donné son nom à une unité de mesure d'activité radioactive des éléments. Ça correspond au nombre de désintégrations par seconde qui sont mesurées. Le gray est la dose absorbée par un objet. Ça correspond à une énergie par kilogramme. On la mesure en joules par kilogramme. Et une nouvelle unité qui s'appelle le sievert, lui, mesure plutôt la dose efficace, donc l'effet biologique de la radiation sur les organes et les tissus. Le sievert est un peu particulier parce que il se mesure différemment en fonction qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal, d'un homme, évidemment. Oui, pardon, justement, je crois qu'on avait fait un dossier là-dessus, Alan, sur le 32, les unités de mesure de la radiation. Oui, c'est ça. C'est le numéro 32, c'est juste. Ah, c'est celui-là, celui que tu avais cité. Voilà. Alors, juste une petite anecdote hein, pour s'amuser. Là. Autour des années 1920-1930, donc après la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, elle a commencé à être utilisée en médecine, par exemple pour les premières radiographies. Et comme c'était utilisé en médecine, c'est passé pour un élément de bonne santé. Donc on vendait de l'eau minérale en bouteille naturellement radioactive, et même des fontaines à eau avec une petite pastille de radium, histoire de convertir votre eau du robinet en oui, eau radioactive. Oui, il y a des crèmes de beauté aussi. Oui, à peu près tout. Alors, l'usage du radium a été interdit en 1937 en France, en dehors des usages médicaux. Voilà. Donc, je vais juste... Oui, alors là, actuellement, sur le live, vous voyez le symbole qui a été standardisé pour l'aspect radiation. L'aspect radiation, on va dire physique, c'est le logo à trois sections jaune-orange qu'on voit. Par contre, quand il y a un danger pour l'homme, on utilise ce symbole rouge en triangle avec une flèche de sortie. On comprend bien. Et une tête de mort. C'est vrai que c'est très évocateur. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que dans 10 000 ans, des éventuels terriens comprendraient encore ces symboles ? Ouais, ça c'est une question qui m'obsède. En fait, on sait que l'évolution naturelle des langues fait qu'elles changent de 10% tous les 100 ans, sauf erreur. Hein. Voilà. Ou quelque chose comme ça. Donc après 1000 ans, on reconnaît déjà plus la langue. C'est vrai que le français, il y a 1000 ans, c'est pas le français d'aujourd'hui. Enfin, c'était même pas du français. Alors 10 000 ans, j'ose pas imaginer. C'est vrai qu'il faut il faut une symbolique. Il y a un devoir de mémoire qui devra être instauré pour qu'on prenne soin de notre stock de déchets nucléaires radioactifs. Ok, mais je suppose qu'on va y revenir. Donc là, c'était... Ouais. Ton introduction théorique, tu vas nous parler un peu... Des premiers pas, d'historique. Okay. Alors, bon, bah, la radioactivité était déjà connue depuis une paire d'années, et puis, c'est la guerre, hein. On est aux alentours de 39-40, hein, bien sûr, et depuis l'équation d'Einstein et la découverte de la radioactivité, tout le monde était convaincu qu'on arriverait bien à faire une bombe avec cette énergie. Des rumeurs disant que le régime d'Hitler allait la construire avant nous, entre guillemets, les Occidentaux, les États-Unis en premier lieu. Les États-Unis se sont donc lancés dans la course, même si en face, la course n'était pas vraiment démarrée. Et en 1942, donc c'est le physicien Enrico Fermi à l'université de Chicago qui commence à faire la première fission contrôlée dans un réacteur expérimental. L'objectif, évidemment, de ce réacteur n'était pas de produire de l'électricité, mais de convertir l'uranium naturel en plutonium. Et j'avoue que je comprends mal pourquoi, parce que l'uranium aurait bien pu suffire. Mais évidemment, comme on veut toujours faire exploser plus, voire même juste un peu plus, on s'est dit, l'uranium est un petit peu plus énergétique, enfin la fission du plutonium est un peu plus énergétique que la fission de l'uranium, alors il faut faire une bombe au plutonium, on y va. Bien. Alors en 1942, dans le contexte du projet, à côté du projet Manhattan, il y a aussi Alvin Weinberg qui propose un dispositif à eau sous pression pour produire de l'électricité. Donc les physiciens se sont bien rendu compte qu'il y aurait un usage plus pacifique de cette énergie. Mais voilà ce qui se passe, c'est qu'en 1949, il faut équiper les sous-marins nucléaires, enfin, il faut équiper les sous-marins d'une source d'énergie qui leur permette de rester discrets autant que possible sous l'eau, sans remonter à la surface. Le principe de l'autonomie était donc de faire un réacteur nucléaire compact pour alimenter les sous-marins. Et sous cet impératif militaire, on a l'amiral Iman Rickover qui choisit parmi tout le panel des réacteurs possibles, potentiels, qui lui sont fournis par l'armée de physiciens qui travaillent à l'époque sur le nucléaire, parce qu'il faut voir que c'était des milliers de personnes au total dans les différentes usines avec le secret défense qui couvrait les activités de l'un et de l'autre. On ne savait pas vraiment ce qui se passait dans les différents sites. Mais tout cela se jouait entre guillemets silencieusement. Il fallait des grosses usines pour enrichir l'uranium, pour faire des réacteurs de test, et ainsi de suite. Et c'est une période très intéressante à regarder d'un point de vue historique. Il y a eu finalement très peu de fuites pour savoir que les États-Unis et son armée étaient en train de préparer la bombe. C'est assez intéressant. Et donc voilà, le premier réacteur à fission nucléaire qui sera créé avait un usage militaire. Il fallait d'abord qu'il soit compact pour rentrer dans un sous-marin. Il fallait aussi qu'il produise un maximum de plutonium, parce qu'il en fallait pour faire les bombes. Et puis il fallait quand même qu'il soit assez rudimentaire. En gros, une cocotte minute, ça va bien. Parce que ce serait bien qu'on ne mette pas 10 ans à le faire fonctionner. Et effectivement, en 2 ou 3 années, les premiers réacteurs vont venir en service. Les Américains sont un petit peu fait coiffer sur le poteau parce que le réacteur était à usage militaire, donc un petit peu plus secret défense. Au niveau de l'URSS, c'est l'URSS qui connecte son premier réacteur à usage militaire sur le réseau électrique. Très petite puissance, 5 MW par rapport à ce qu'on fait maintenant, bien sûr, en 1954. Et en 1957, c'est les États-Unis qui connectent le premier réacteur conçu à usage civil, qui s'appelle le Shippingport, de 60 MW, donc déjà un peu plus costaud, à Pittsburgh. Voilà. Et aux États-Unis, à partir des années 60, il y a très vite une montée en puissance. Le réacteur suivant qui est construit à 600 MW, donc déjà 10 fois plus que le précédent, et les unités à 1100 MW sont en construction dès 1966. Donc en une dizaine d'années, on est parti très vite dans cette filière. Ça marchait bien. On se posait... C'était des réacteurs à eau pressurisée, comme ce que tu as décrit au début? Alors, c'est... Oui. C'était la première technologie, quoi, je pense. Oui. Okay. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de changement technologique, en fait, dans toute cette évolution. Et on se posait beaucoup moins de questions d'un point de vue sûreté, effectivement, puisque l'usage militaire c'était l'usage initial, donc effectivement... Voilà. Donc après une dizaine d'années de production avec ce type de réacteur, le déploiement industriel était en marche et il s'agissait maintenant de faire des réacteurs de série, même d'en faire de l'argent. Il faut vendre l'électricité et puis même il faut vendre le réacteur tel quel aux pays étrangers. Donc, des objectifs différents que les physiciens essayaient de promouvoir, comme un cœur du réacteur plus stable, des déchets, moins de déchets, et finalement un réacteur moins dangereux, ces objectifs ont été écartés, puisque on était passé de l'usage militaire à un usage de rentabilité à tout prix. Donc, il n'était plus question de faire de la recherche et du développement pour une alternative qui Est-ce serait qu'il y avait uniquement ce un qui brevet serait. sur le nucléaire au début? Non, c'est une question con, mais je me dis si. Il y en a probablement beaucoup sur des aspects technologiques Ouais, plus appliqué quoi. plus appliqués, comme par exemple les alliages qui sont utilisés dans les tuyauteries. Il y a probablement une grande quantité de brevets. De toute façon, même un prototype, ça ne s'improvise pas. Il faut au minimum 10 ans pour sortir un premier réacteur. Il y a énormément de pièces à concevoir. Alors maintenant, on a l'expérience, on pourrait réutiliser, même pour basculer sur une nouvelle technologie, j'en parlerai plus tard. Mais de toute façon, ça prend du temps. Il faut pas se tromper. Il faut laisser le temps pour obtenir la fiabilité. Alors maintenant, je passe un petit peu sur l'historique du cas français, parce que bon, on n'est pas loin de la France, voire en France. Donc, dès 1971, il se passe quelque chose d'assez particulier qu'on appelle le krach pétrolier, hein, le choc pétrolier, qui donne tout de suite un coup d'accélérateur à la construction des réacteurs, le gouvernement ayant pour cible d'en créer trois par an en France, ce qui est assez énorme. Un par an, c'est bien, mais alors trois, il faut y aller. Imaginez que le prix du pétrole a augmenté de 12% sur la seule journée du 14 février 1973, et a doublé sur la journée du 16 octobre, et encore doublé la journée du 22. Donc, sur l'année 1973, pour les Suisses cette fois, il y avait une grande motivation de la part du public et du gouvernement de se rendre indépendant du pétrole, en tout cas pour la production d'énergie électrique sur le réseau. Et dès mars 1974, Pierre Messmer annonce la construction de 13 centrales de 1 mégawatt pardon, chacune, en 2 ans. Donc, ça veut Et donc la dire. technologie, il la possédait déjà en France et en Suisse? Alors, pour. Non. Je n'ai pas le cas suisse exactement en tête. En tout cas, pour le cas français, les réacteurs sont sous licence Westinghouse. Je suis peut-être en train de dire de bêtises, je ne l'ai Bah, pas c'est des réacteurs noté. américains, quoi, en fait. C'est les réacteurs américains qui ont été revendus. Les Français ont acquis la compétence d'exploitation. Sur le côté, il y avait EDF qui avait son centre de recherche qui lui était propre, et le CEA, le Centre à l'énergie atomique, qui lui aussi faisait de la recherche pour un réacteur de technologie 100% française qui lui était à graphite gaz. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, la France faisait encore de la recherche et développement sur sa propre technologie, pour ses propres réacteurs, et la pression politique vis-à-vis de ce choc pétrolier a fait que on s'est décidé pour le réacteur américain qui était en production depuis plus de 10 ans, qui était connu, Mais et puis on je y comprends va. pas, parce qu'il me semblait que De Gaulle avait doté la France de l'arme nucléaire avant ça. Oui, mais l'arme, Oui, c'est pas la les bombe, réacteurs la utiles bombe sur est beaucoup à plus des fins facile à civiles. produire. Mais donc Voilà. on avait la technologie pour produire des armes nucléaires, mais pas pour produire des réacteurs civils, enfin à Voilà. énergie électrique. Oui, c'est ça. Le but n'est pas du tout le même. Je veux dire, Oui. le principe de la bombe, c'est de sortir toute l'énergie de fission de l'ensemble du matériau Oui. que constitue la bombe sur une fraction de seconde. Bien sûr, bien sûr. Donc, je C'est vais. précisément ce qu'on cherche à éviter avec les centrales nucléaires. Voilà, mais voilà, c'est de la fission contrôlée. Il s'agit. Tout le combustible qu'on met pour 5 ans dans le réacteur, parce que c'est comme ça que ça se passe, normalement c'est tous les 4 ans, on met plusieurs tonnes de combustible dans le réacteur, et puis on contrôle la réaction en chaîne pour sortir l'énergie de façon continue pendant ces 5 années. Ok, on a D'accord, oui. juste un petit commentaire de la chatroom, mais il y a une erreur qui s'est glissée, je crois, dans ce que tu as dit. Tu as parlé de 1 mégawatt. Où ça? Ah ben non, c'est 1000, hein. Voilà. Bon, 1100 on a une mégawatts. chatroom formidable. Oui. Alors les unités américaines sont de 1100 mégawatts, Et les 13 centrales françaises sont aussi à 1000 MW. Okay. Bah, typiquement, ça date de cette époque, Fessenheim. Il y a énormément de centrales nucléaires de 900 à 1000 MW en France. Toujours sur cette même technologie. Et si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas la date, vers 1979-1983, la France construit 4 réacteurs avec sa propre technologie. Ah ok, donc 6 ans après quoi. Voilà, il a fallu le temps, donc c'est les réacteurs de type N4, qui sont autour de 1100 MW aussi, mais uniquement 4, parce que déjà le parc nucléaire français était déjà en surcapacité. D'ailleurs, la France est peut-être le seul pays à faire fonctionner ses centrales à capacité réduite. Tous les autres pays ont très peu de centrales, mais elles tournent en continu, toujours à leur maximum, enfin leur maximum, à leur optimum, on va dire. Et la France joue un peu avec le niveau d'énergie du cœur pour contrebalancer. Il y a quasiment 75% de la production électrique française qui est d'origine nucléaire. Donc oui, parce qu'on peut réguler en fait la vitesse de la réaction du cœur du réacteur. Tout à fait. Il y a des barres de contrôle qui permettent de capturer les neutrons, et le fait de capturer les neutrons à l'intérieur du cœur fait que la réaction en chaîne est réduite. C'est vraiment génial, ça. On arrive à maîtriser le feu nucléaire, quoi. Oui, enfin, disons que la plage de fonctionnement du réacteur, c'est le réacteur en lui-même est. Enfin, moi je considère qu'il est quand même instable, et c'est simplement par des mécanismes de contrôle positif ou négatif qu'on le fait retourner dans la zone de fonctionnement que l'on désire. Et on peut aller jusqu'à l'éteindre ? Alors, je pense que oui quand même. Oui, bien sûr, mais l'éteindre ne suffit pas à oui, le refroidir. Oui, bien sûr, à stopper les radiations. Exactement. Non, le problème, c'est qu'il faut beaucoup. Au bout de 24 heures, le réacteur ne produit plus que 7% de la chaleur initiale. Donc quand il est en fonctionnement, on va dire il y a 100%, tu l'éteins et 24 heures plus tard, on est à 7%. Mais pendant ces 24 heures, il faut à peu près fournir 60 000 litres d'eau, 60 000 mètres cubes d'eau à l'heure pour sortir la chaleur du réacteur, parce que sinon, si on laisse la chaleur se concentrer dans le réacteur, évidemment, il fond. C'est ce qui s'est passé. Oui. Mais tu voulais peut-être en parler après, ou je peux continuer à te poser une question là-dessus ? Ah bah écoute, je ne le redirai pas plus tard. D'accord. Mais donc en fait, quand on l'éteint, c'est avec de l'eau. C'est pas avec les barres de régulation, les barres de régulation dont tu parlais là. Si, on peut l'éteindre avec. Avec les barres aussi, d'accord. On l'éteint avec. On diminue la réaction en chaîne avec les barres. Ouais. Et après, on l'éteint à l'eau, quoi. On l'étouffe. Non, ça ne s'éteint pas, c'est pas du feu. Tu parles de feu nucléaire, ça n'est pas, non, ça n'est pas du feu, ce sont c'est de la chaleur. Ça ne brûle pas, il n'y a pas de. C'est pas comme une combustion, il y a le combustible et le comburant. Ouais. Dans le réacteur, il n'y a pas de comburant. Tu n'étouffes pas l'oxygène pour qu'il ne se passe plus rien, non. Mais tu ne peux pas stopper la réaction nucléaire, la réaction physique, tu ne peux pas l'arrêter donc. Tu peux la contrecarrer avec de l'acide borique, par exemple, qui va capturer les neutrons. Mais, voilà. Mais la structure du cœur, moi je vais rentrer dans le détail quand même, c'est l'uranium est enrichi sous forme de pastilles. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'en parle, ça, d'ailleurs. Tu nous expliqueras peut-être le détail plus loin quand tu as prévu d'en parler. Dossier, ouais. Non, mais en fait, j'en parle même plus derrière. Donc, je vais. Ah, okay. c'est dommage, c'est quelque chose d'intéressant. Dans le milieu naturel, la pengblende, qui est le minerai d'uranium, dans ce minerai d'uranium à l'état naturel, il n'y a que 0,7% de l'uranium qui est sous la forme de son isotope fissile, donc le 235, et ces 7% ne sont pas suffisants pour déclencher une réaction en chaîne. À l'exception, il y a un réacteur nucléaire naturel qui existe en Afrique, donc c'est un cas un peu atypique, c'est-à-dire que la concentration d'uranium était telle que la réaction en chaîne s'est produite naturellement dans une cavité. Et puis, alors j'ai plus son nom, mais ça se retrouve assez facilement. Et donc, c'est vraiment le seul cas qu'on ait découvert sur Terre. Et sinon, pour réussir à faire une réaction en chaîne, on va concentrer par un processus d'enrichissement, on va concentrer l'uranium-235 pour atteindre de 3 à 5% d'uranium fissile pour le volume d'uranium dans des pastilles de combustible jaune, le fameux yellow cake. Et ces pastilles sont ensuite empilées dans des crayons. Ces crayons sont cylindriques, avec une gaine en alliage de zirconium. Et ces crayons sont ensuite assemblés en faisceaux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des images, mais j'ai pas la longueur exacte, mais ce sont des barres, ce sont des tiges de 7 mètres qui sont organisées en faisceaux carrés, à section carrée, et on les plonge dans le cœur. Donc il suffit de tirer les barres à l'unité, et la concentration d'uranium présente dans l'espace du cœur diminue, et du coup la réaction en chaîne, c'est ce qu'on appelle le principe de la masse critique. À partir du moment où on concentre suffisamment d'éléments radioactifs et fissiles dans un volume, la réaction en chaîne se déclenche automatiquement. D'accord. C'est le principe de la bombe d'ailleurs. La bombe, on construit deux éléments. Si on prend la bombe A atomique, on construit deux éléments d'uranium enrichi à 95% en général. Ah oui, donc là c'est beaucoup beaucoup plus. Donc il n'y a plus que de l'uranium 235. Ah oui, donc il faut vraiment beaucoup plus enrichir l'uranium. C'est d'ailleurs un processus très très complexe à maîtriser et très dangereux. Et ensuite on construit deux pièces organisées en tore en général. Pour éviter que chacune des pièces n'atteigne la fameuse masse critique. Et puis au moment de l'explosion, on utilise un explosif classique pour rapprocher les deux pièces l'une dans l'autre, et dans le volume on atteint la fameuse masse critique, et donc c'est la fameuse explosion du combustible. Voilà. Okay. Et donc ce mécanisme est le même à l'intérieur d'un réacteur, sauf que c'est beaucoup moins concentré, donc il faut juste pas que ça s'emballe, parce que le problème, c'est que si le cœur fond parce qu'on perd le refroidissement, on se retrouve avec un magma liquide qui va s'accumuler au fond de la cuve, et forcément, à ce niveau de ce magma, on pourrait atteindre la fameuse masse critique, puisque les atomes, éventuellement, vont se concentrer. D'accord. Ok. Je profite de la pause pour indiquer que Dr Goulu, dans la chatroom, nous a retrouvé le lien sur le réacteur nucléaire naturel qui est évoqué en Afrique. C'est le réacteur nucléaire d'Oklo, qui se trouve au Gabon. Très bien, merci. C'est bien d'avoir de l'aide. N'est-ce pas? Et puis il nous dit encore que la Terre entière est un réacteur naturel à l'uranium et thorium aussi. Il est vrai, puisque c'est ce qui entretient la température interne du manteau et le fait qu'on garde un noyau liquide, un manteau et une tectonique des plaques. C'est effectivement la source de chaleur naturelle du noyau vient de réactions nucléaires. Ok, mais là on s'égare. Reprends sur le nucléaire civil, le cas français. Donc la France est quand même le premier pays à avoir industrialisé le processus. Et donc, construire 13 réacteurs en 2 ans, on ne va pas s'amuser à faire des différents. Donc c'est vraiment de la grande série. Ils sont tous identiques. Ça a été un coup de poker des ingénieurs. Si ça marche pas, ils sont coincés avec leurs 13 réacteurs. Exactement. Si tu as une tarte de conception, tu as tout le parc qui doit être revu, et ça peut coûter très cher. D'accord. C'était quand même des gens très intelligents. C'est des ingénieurs qui sortaient des mines ou de polytechnique et qui avaient été spécialisés dans la formation sur le nucléaire. Ils étaient... plus d'un millier, donc faut pas s'inquiéter. C'est... Pas les mines d'uranium, hein? Non. Désolé. Merci. Donc, une sorte de coup de poker, puisque non seulement ça a assuré une très grande rentabilité, puisque les réacteurs étant de série, une fois qu'on avait produit une cuve, on savait en produire 10. Une fois qu'on avait produit des tuyaux, on pouvait en faire des kilomètres. Et ça améliorait aussi la gestion du risque. Si on détecte un risque au niveau d'une centrale, la correction de ce risque est la même partout, c'est plus économique. Voilà. A contrario, on remarquera que sur la cinquantaine de réacteurs aux États-Unis, je dis cinquantaine parce que je ne suis pas exactement sûr, il n'y a pas deux réacteurs qui sont identiques aux États-Unis. Dans tous les détails, ils ne sont pas identiques. Il y a toujours quelque chose qui change. Voilà. Et juste pour dire, en France, en 2006, la France a atteint son pic de production d'énergie nucléaire à 450 TWh sur l'année. Donc un terawatt, c'est 1000 gigawatts. Alors, terawattheure, ouais, c'est 1 gigawattheure. Ouais. Donc ça fait à peu près 1000 réacteurs non, parce que c'est... Ah non, non, non, alors c'est la puissance du réacteur est en mégawatts, l'énergie produite est en mégawattheure. Ah oui, donc on est vachement... ça fait beaucoup de réacteurs, d'accord. Voilà, et puis bon, il faut voir aussi que le taux de charge des réacteurs, c'est-à-dire leur production d'énergie sur l'année, n'est pas de 100%. Il y a toujours des phases de maintenance ou de ralenti, enfin... D'accord. C'est... Mais donc 450 TWh nucléaire sur l'année 2006, voilà. Et l'heure avance. On est content. Ah, je suis désolé, je suis même pas à la moitié. Ok, c'est, pas, c'est super intéressant. Ouais, ben, c'est ce que je me dis aussi, mais je pense qu'on va y passer la nuit. Hein. Alors, je vais aller un peu plus vite. On a différents types de réacteurs, bien sûr. Donc là, on a beaucoup parlé du plus courant, c'est le réacteur à eau pressurisée, qu'on trouve aux États-Unis, en France et à peu près dans tous les pays nucléarisés. Le réacteur à eau bouillante, on le trouve aussi pas mal en URSS, au Japon. C'est le modèle de Fukushima. J'ai déjà parlé du refroidissement. On installe les centrales à proximité de la mer pour utiliser l'eau de mer pour refroidir, ou de rivière. C'est le plus important. Je vais quand même vous faire un petit dessin visuel de la constitution d'un réacteur. Donc on a le cœur qui est confiné dans une cuve. Cette cuve est placée à l'intérieur d'un bâtiment qu'on appelle le bâtiment réacteur. Actuellement, il y a une enveloppe de béton de 1m30 avec une gaine métallique à l'intérieur pour assurer l'étanchéité. Pour les nouveaux réacteurs, on met même deux enceintes de confinement. À l'intérieur de ce bâtiment réacteur, on a l'échangeur de chaleur qui va faire passer la chaleur du circuit primaire qui tourne dans le cœur vers le circuit secondaire. Le circuit secondaire, lui, va passer dans le bâtiment des turbines, qui contient les turbines et l'alternateur, et le courant sort par ce bâtiment. On utilise aussi un bâtiment pour stocker le combustible, avec un hall d'accès. Le combustible rentre et sort par un seul accès. On a des piscines de refroidissement pour maintenir le combustible qui rentre dans un état, je vais pas dire stable, mais on va dire inactif. Et aussi, on utilise ces mêmes piscines pour refroidir le combustible usagé qui sort du réacteur. Donc, dans le cas de Fukushima, cette piscine avec le combustible usagé est dans le même bâtiment réacteur. En France, certaines de ces piscines sont dans de simples hangars relativement peu protégés, ce qui peut être un peu douteux. Mais voilà, la piscine de refroidissement, on a porté l'attention dessus. En fonction des besoins de refroidissement, soit on utilise l'eau de la rivière ou de la mer, très souvent on adjoint une tour de réfrigération qu'on appelle un aéro-réfrigérant. C'est les grandes tours, et vous inquiétez pas, ce qui sort de ces tours, ce ne sont pas des fumées, c'est bien de la vapeur d'eau, un nuage en fait. C'est donc l'eau chaude est giclée au pied de la tour pour favoriser le contact avec l'air, pour refroidir l'eau. Une partie de cette eau s'évapore et sort de l'aéro-réfrigérant sous forme de nuage. Et il n'y a aucune radioactivité dans ce nuage, puisqu'il y a une étanchéité entre les différents circuits. Il n'y a que des échanges de chaleur entre le primaire, le secondaire et le tertiaire. C'est presque poétique tout ça. N'est-ce pas ? Est-ce que l'eau est un gaz à effet de serre ? Un petit peu, oui. D'accord, donc il y a un impact climatique des réacteurs nucléaires. Il ne faut pas exagérer. En tout cas, le simple fait de ne pas produire de CO2 a un impact climatique positif, on va dire, qui est beaucoup plus grand par rapport à, disons, une centrale à gaz ou au charbon qui produirait la même quantité d'énergie. D'accord. Une seule tranche, a priori, une centrale à gaz, sa puissance, c'est à peu près 50 MW. Hein. Donc un réacteur de 1000 MW, pour le remplacer, il faut déjà une vingtaine de centrales à gaz, ouais, très performantes. En France, il y a 50 55 réacteurs répartis sur 19 sites. Alors pourquoi on regroupe les réacteurs sur des sites? Bah, c'est pour faciliter leur surveillance. Le transport du combustible se fait à un seul endroit. On mutualise le personnel et puis les aspects de sécurité. C'est un peu contre-productif de disséminer les réacteurs dans trop de sites. Et les concentrer pose un risque aussi. Il me semble que la plus grosse centrale, c'est Gravelines, dans le nord de la France, avec 6 réacteurs sur le même site. Voilà, dans les types de réacteurs, bon, on a les réacteurs à eau bouillante, le réacteur canadien à eau lourde. Alors lui, il a la particularité de fonctionner avec de l'uranium non enrichi. Directement, le minerai naturel produit, on le met dans le réacteur. Ça fait des sacrées économies par rapport au processus d'enrichissement. Évidemment, le rendement est moindre. Et puis, on a le type RBMK, c'est le réacteur de grande puissance à tube de force soviétique, le fameux modèle de Tchernobyl. Il y en avait encore 11 en activité en 2010, et il y en avait un en construction encore à Koursk. Sur le même modèle que Tchernobyl? Ouais. Wow. Avec une puissance maximum de 1500 MW. C'était, à l'époque de l'explosion de Tchernobyl, c'était déjà le plus puissant des types de réacteurs qui étaient déployés. Alors, est-ce qu'il faut que je coupe dans le dossier ou on y va jusqu'au bout de la nuit? Écoute, on nous dit dans la chatroom qu'on a du café chauffé au nucléaire. Donc, on peut y aller. Je te dirais, je pense, s'il y a des moments où je pense qu'on peut couper. Là, tu avais l'intention de parler de la sécurité, hein. Tout à fait. Sûreté, je pense que c'est... Les principes de sûreté, oui, ça intéresse beaucoup. Bah, alors... Absolument. Ouais. Alors, dans le domaine de l'industrie électronucléaire, les objectifs de sûreté sont évidemment de garantir le au maximum que le réacteur reste dans son domaine de fonctionnement quand il est en fonctionnement, qu'il ne sorte pas de ce domaine, que s'il devait sortir de ce domaine de fonctionnement, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il n'y ait pas... en termes d'énergie hein, produite ou de chaleur, il n'y a pas de conséquences inacceptables par rapport au personnel, au site lui-même, au bâtiment et puis à la population. Et il faut absolument éviter la dissémination de la radioactivité à l'extérieur du bâtiment réacteur, d'où tous les enceintes de confinement, enfin le principe de confinement avec 3 barrières de sécurité. La première barrière, c'est la cuve autour du cœur. Alors non, pardon, la première barrière, c'est l'alliage en zirconium qui contient les pastilles d'uranium. C'est, lui déjà va contenir la radioactivité au niveau des pastilles solides à l'intérieur du crayon, dans le faisceau du combustible. Ensuite, la deuxième, c'est la cuve, et la troisième, c'est l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Alors, évidemment, on cherche à assurer le maximum de sûreté à tous les niveaux, depuis la conception, la validation de la construction, les défenses redondantes. Il faut absolument qu'on assure le maintien de la température du cœur pour éviter le risque de fusion qui paraissait absolument impossible à l'époque de Three Mile Island. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un réacteur aux États-Unis, c'est le premier dont il y a eu fusion du cœur, et ça n'a pas eu de conséquences, parce que le cœur fondu est resté à l'intérieur de la cuve, il n'a même pas percé la cuve, il est resté en suspension. Et de ce que j'ai pu lire, même les spécialistes ne se l'expliquent pas. Voilà. Donc la fusion du réacteur atteint à peu près 2300 degrés. Donc à cette température, ça ressemble plus à rien, c'est un magma, c'est comme de la lave. Ça coule, ça traverse tout, que ce soit la cuve, d'abord, quelle que soit son épaisseur, puis d'ailleurs la faire trop épaisse, ça coûterait trop. Et puis, on estime qu'il faut une bonne épaisseur de 4 mètres de béton sous la cuve pour récupérer ce magma, éventuellement. Voilà. Ok, mais avec toutes ces précautions, alors comment est-ce qu'on arrive à avoir des accidents? Les erreurs humaines. Très souvent. Pour évaluer le risque, on utilise des scénarios, et puis ces scénarios, ce sont des études probabilistiques de sécurité. Évidemment, on ne va pas faire fondre un réacteur juste pour le plaisir ou pour l'étude. Donc, on fait des statistiques, on simule On simule les probabilités de défaut des différentes pièces, on les mesure aussi sur les réacteurs elles-mêmes. Et dans tous ces scénarios qui ont été échafaudés, très souvent, on essaye de cumuler des défauts matériels et des erreurs humaines. Mais par exemple, personne n'avait simulé la survenue d'une inondation en plus d'un séisme. Si ça vous rappelle quelque chose. Donc là, tu parles de Fukushima. Tout à fait. Et puis dans ces évaluations, très souvent, l'erreur humaine aggrave la situation. Je vous laisserai lire le descriptif de Wikipédia sur le. Il y a toute le scénario de l'accident de Tchernobyl qui est assez édifiant. Je vous laisserai le lire. C'est assez long, mais ça en vaut la peine. Ok. Et donc, au niveau international, il y a l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui coordonne les différentes agences nationales pour, sous forme de recommandations pour assurer la sûreté du parc nucléaire de chaque pays en fonction de leurs particularités. Il y a des échanges d'expériences pour, évidemment, parce qu'il faut un grand nombre de réacteurs pour acquérir de l'expérience. Et puis, en général, il y a une visite tous les 10 ans des réacteurs. Donc, on éteint la centrale, on vide la cuve de son combustible, on inspecte la cuve, on extrait aussi des échantillons témoins du métal de la cuve qui est plus proche du réacteur pour mesurer le vieillissement de la cuve, puisqu'a priori, la durée de vie d'un réacteur, finalement, c'est la durée de vie de sa cuve. Une fois que la cuve est entamée, bah, on peut considérer qu'il faut arrêter le réacteur. C'est normal. Donc c'est l'élément principal qui conditionne à la durée de vie d'un réacteur, parce que ça coûterait trop cher à remplacer. Il y a d'autres éléments comme les tuyauteries, mais après ça dépend du niveau de défaut qu'on détecte. Alors, pour classifier les accidents, il y a une agence internationale, toujours l'AIEA, qui a défini une échelle internationale des événements nucléaires qui s'appelle l'INES, ENES en anglais, qui a été définie en 1990, suite à Three Mile Island et Tchernobyl. Et sur cette échelle qui compte 7 niveaux et qui n'est pas plafonnée, c'est-à-dire que chaque niveau correspond à une multiplication par 10 des dégâts. On a beaucoup d'incidents de niveau 0 sans conséquence, beaucoup d'incidents de niveau 1 avec très peu de conséquences. La fusion du cœur de Three Mile Island en 1979 est classée niveau 5. Les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima Daiichi sont niveau 7. Ok, et je découvre dans la chatroom, ça c'est une intervention de Dr Goulu qui nous dit qu'en 1969, en Suisse, à Lucent, on a eu un incident de niveau 4. C'est juste, oui. Je savais même pas qu'il y avait une centrale nucléaire à Lucent. C'était on apprend tous les un. jours. Oui, c'était dans une caverne. Ça a été installé dans une caverne. Je me demande si c'était pas un réacteur expérimental. Je Ok. suis pas tout à fait sûr. D'accord. Bon, on mettra le lien à Wikipédia dans les notes de l'émission. Le volume d'informations sur le nucléaire sur Wikipédia, en tout cas la version française, est juste impressionnante. Entre tout ce qui a été fourni probablement par EDF et différents ingénieurs qui travaillent dans le secteur, c'est. Et aussi les anti-nucléaires qui se font un malin plaisir de référencer tous les incidents, Bah bien sûr. même mineurs, de chaque centrale. Donc vous avez vraiment une fiche pour chaque centrale, pour chaque réacteur, avec un historique impressionnant de tout ce qui se passe. En sachant que les autorités de sûreté publient tout ce qui se passe, c'est vraiment ouvert. L'autorité de sûreté est indépendante de l'exploitant, de l'électricien. Donc tout est publié pour diffusion et partage d'expérience au niveau international. C'est énormément de documentation et de documents, c'est très technique. Donc effectivement, pour en sortir une information, on va dire, journalistique et accessible au grand public, ça demande beaucoup C'est de pas simple. travail. Et finalement, le Wikipédia version française est déjà un très bon support pour faire le dossier que je suis en train de vous présenter et qui commence à tirer sur la longueur. Ok, donc on va parler des accidents. Alors le premier, moi je. Three Mile Island, je laisse de côté, l'essentiel c'est Tchernobyl, qui le 26 avril 1986, c'est le réacteur numéro 4 de la centrale qui porte le nom de Lénine, surchauffe à plus de 100 fois sa puissance normale. On obtient une première explosion de vapeur qui soulève le couvercle de béton de 1200 tonnes à 15 mètres de haut. Oh. Ensuite, l'hydrogène contenu dans le cœur, du fait de l'ouverture à l'air, explose à son tour. Le bâtiment est soufflé et un incendie fait rage qui rejette, et là pour le coup c'est un vrai incendie, donc tout ce qui pouvait brûler au niveau de l'oxygène se met à brûler, et les radioéléments sont dispersés dans l'atmosphère jusqu'à 1,2 km d'altitude au-dessus du réacteur. Les rejets cesseront le 6 mai, c'est-à-dire avril, mai, je ne suis plus fort pour faire les additions, une douzaine de jours plus tard. Ok. Et 26 ans après la catastrophe, le sarcophage qui a été construit autour présente de grosses fissures, et on vient de commencer, il y a quelques mois, le nouveau sarcophage en poutrelles métalliques qui est assemblé à une centaine de mètres du réacteur et glissé sur des rails pour venir coiffer l'entier du bâtiment. Son prix est estimé à 1,5 milliard d'euros. Il est en cours d'assemblage. Et l'emballage est prévu pour 2015 avec une garantie d'un siècle. Évidemment, les projets de démantèlement sont dans les cartons, non seulement parce que ça pourrait faciliter le démantèlement d'autres réacteurs qui n'ont pas explosé, mais la complexité de la tâche et la toxicité du site fait que les moyens et les outils nécessaires sont juste hors normes. Mais les projets, on peut découvrir des projets de ponts roulants avec des bras articulés, entièrement automatisés, pour aller extraire les éléments, les séparer, les trier, les recycler et tout démonter. Mmh. Est-ce que ça se fera un jour ? L'avenir nous le dira. Ensuite, à Fukushima, l'improbable se produit. On n'imaginait pas que derrière un séisme, il pouvait encore arriver une inondation. Excuse-moi Yves, le démantèlement et la mise en place du sarcophage à Tchernobyl, c'était financé par qui ? C'est payé par la Russie, c'est en Ukraine maintenant ? Je n'en sais rien. Mais j'imagine que tout le monde participe, ne serait-ce que pour apaiser l'opinion publique. D'accord. Sur le sujet. Ça se comprend, oui. Ouais. Alors j'avoue que je n'ai pas l'information. Ok, on va voir si tu la trouves, si on la trouve pendant que... D'accord, ouais. Pendant que tu nous présentes la suite du dossier. Alors à Fukushima, le 11 mars 2011, très proche de chez nous, d'un point de vue temporel, donc il y a un an et demi, le Japon subit le plus violent séisme qu'il ait connu à ce jour, d'échelle 9 sur l'échelle de Richter, hein, niveau 9 sur l'échelle de Richter. Les trois réacteurs en fonctionnement à ce moment, les réacteurs numéro 1, 2 et 3 de la centrale, sont automatiquement stoppés par les mécanismes de sûreté. Et les pompes de refroidissement continuent d'être alimentées par les génératrices diesel de secours qui se trouvent à l'extérieur des bâtiments. Procédure normale, en cas de séisme, il n'y a pas de souci. 30 minutes plus tard, ces génératrices diesel sont emportées par le tsunami. Ah ouais. On perd tout refroidissement, et c'est là que la réaction en chaîne, enfin la chaleur se concentre à l'intérieur du cœur, et on obtient à peu près le même scénario qu'à Tchernobyl. Sauf que les protections qui ont été faites depuis Tchernobyl ont limité un tant soit peu les dégâts. Alors, là-dessus, Yves, il n'y avait pas des études récentes qui avaient montré que déjà le séisme avait en fait détruit les pompes, que ce n'est pas le tsunami qui a vraiment cassé tout ça ? Peut-être, je ne sais pas. D'accord, ça a vérifié quoi. Mais normalement, tout ce qui est pompes et tuyauteries sont redondantes. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans Fukushima, mais en tout cas, c'est le cas dans l'EPR. Ok. Alors voilà, bon, là, ce qui se passe, c'est que une fois que le réacteur augmente en température, il y a une production d'hydrogène qui s'accumule dans le bâtiment. Le réacteur fond, l'hydrogène s'accumule et puis forcément, il va se produire une explosion qui souffle l'entier du bâtiment du réacteur numéro 1. Et là, il y a une production d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. Les jours suivants, ce sont les réacteurs 2 et 3 qui se mettent à fondre à leur tour par manque de refroidissement, et le bâtiment 4 explose, pour l'instant sans cause déterminée. Il pourrait s'agir d'un échange d'hydrogène entre les bâtiments par des canalisations qui ait fait que l'accumulation d'hydrogène dans le bâtiment 4 ait provoqué son explosion aussi. Et c'est la preuve que même à l'arrêt, puisque les réacteurs étaient en arrêt, ils restent dangereux. Comme je vous l'ai dit, il faut 24 heures pour qu'ils atteignent un niveau de fonctionnement qui correspond à 7% de l'initial. Et pendant ces 24 premières heures, il faut absolument maintenir le refroidissement, sinon il y a toutes les chances que le cœur fonde. Voilà. En juin 2011, on commence la décontamination de l'eau qui a été utilisée pour refroidir ou pour maintenir le refroidissement. Bah, refroidissement d'urgence, hein, comme on a pu, vous les avez vus, les lances à eau des sapeurs-pompiers. On a balancé tout ce qu'on pouvait trouver comme flotte pour refroidir le cœur, les cœurs qui étaient explosés en tout cas, et les piscines de combustible aussi, qui étaient, du fait de l'explosion du réacteur, qui étaient à l'air libre. Et finalement, le plus dangereux, c'est probablement le combustible usagé qui se trouve dans ces piscines, à un niveau de dangerosité beaucoup plus que le réacteur lui-même. En octobre 2011, une enceinte légère est construite autour du réacteur numéro 1 pour limiter les rejets. Et le 16 décembre 2011, on considère l'arrêt d'état froid des trois réacteurs, c'est-à-dire 37 degrés pour le réacteur numéro 1 et 69 degrés pour les réacteurs 2 et 3. Donc a priori, les réacteurs sont considérés comme maintenus dans un niveau de stabilité raisonnable. S'il devait y avoir un nouveau séisme, ou je ne sais quoi, qui interrompt le refroidissement, c'est reparti pour une nouvelle fusion. Alors de larges régions du Japon sont contaminées par des niveaux de radiation inquiétants, essentiellement du césium-134, donc un isotope du césium, le 134, qui a une période de radioactivité de 2 ans, alors j'en ai pas parlé. La radioactivité, la dangerosité de la radioactivité se mesure suivant deux principes. Le rayonnement émis, donc alpha, bêta, gamma, mais aussi pendant combien de temps ce rayonnement est maintenu. Un atome radioactif est instable, donc il va émettre un rayonnement pendant un certain temps, et puis ensuite il y aura une désintégration naturelle. D'un point de vue statistique, on mesure le temps qui sépare, enfin de combien de temps il faut pour désintégrer un noyau avec ce qu'on appelle la période de désintégration radioactive, aussi appelée demi-vie. Alors pourquoi demi-vie ? C'est parce qu'en fait ce qu'on mesure, c'est la durée qu'on perde la moitié des éléments qui sont stockés dans un échantillon. Vous avez un échantillon de 100 atomes radioactifs, on mesure le temps qu'il faut pour atteindre 50 atomes radioactifs. Et ce temps s'appelle la demi-vie ou la période radioactive. Donc le césium-134 a une période radioactive de 2 ans, donc il va disparaître d'ici 2 ans. Enfin, on considère qu'il faut 10 fois ce temps pour que ça devienne moins dangereux et qu'on atteigne le niveau de radioactivité naturel. Donc voilà, le césium-134 qui est disséminé au niveau du Japon, il va rester là encore pendant 20 ans. Et le césium-137, lui, a une période de 30 ans, donc on est bon pour 300 ans, à peu près. Et on retrouve cette radioactivité, ces éléments, dans toute la chaîne alimentaire, déjà maintenant. A noter quand même que 80% de la radioactivité qui a été crachée par les réacteurs de Fukushima se sont dispersées dans l'océan, quand même. Voilà. La France a proposé ses robots d'intervention pour aider sur les sites de Fukushima. Le Japon a dit non merci. Et finalement, la tâche est tellement complexe au moment d'un incident que l'intervention des robots est juste, même au pays du Japon, c'est juste inconcevable. L'équipement du bras doit être adapté à chaque tâche à chaque fois, il faut faire l'aller-retour, ils ne sont pas rapides. Finalement, on préfère faire intervenir des hommes, même au péril de leur vie, parce que ça apporte une plus grande souplesse. Mmh. Et puis une plus grande rapidité d'exécution finalement. Ok. On va peut-être enchaîner avec... tu voulais nous parler aussi des inconvénients, en général ? Alors, tous les inconvénients, bon, les déchets encombrants, ça je ne vous fais pas... Bon, alors oui, il y a tout le chantier. Actuellement, il y a quand même 3000 ouvriers qui travaillent sur Fukushima. Il y a tout le chantier qui est commencé. On imagine que dans 25 ans, on aura fini de faire disparaître les réacteurs. C'est vraiment la volonté de TEPCO, donc l'exploitant japonais de ces réacteurs. Au niveau des déchets, on a un volume considérable de déchets, ça c'est vrai. En France, à peu près 20 000 mètres cubes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter 20 000 mètres cubes, moi j'y arrive pas. 20 000 mètres cubes de déchets radioactifs sont produits annuellement. Pour la plupart, ça vient du médical et des activités des réacteurs. Et à 90%, ce sont des vêtements, des gants, des bottes, des outils qui sont faiblement contaminés, typiquement au césium-137, donc avec la fameuse période de 30 ans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les coule dans du béton ou dans un vitre, on les vitrifie et puis ensuite on les pose dans des fûts et on les entasse pour à peu près 300 ans, sous surveillance. Actuellement en France, il y a un stockage en plein air qui est fermé quasiment, qui est plein, un deuxième est en cours de remplissage. On imagine il a été estimé qu'en 2030, tous ces stockages représenteront 2,7 millions de mètres cubes. Voilà. Pour les déchets à vie longue, par contre, on les laisse refroidir actuellement en piscine. A priori, on les laisse au moins 50 ans. Il faudrait 50 ans pour qu'ils deviennent moins dangereux. On les laisse refroidir en piscine 5 à 10 ans. Et puis après, on va les séparer. Ça représente 5000 tonnes de déchets finaux très, très radioactifs qui sont actuellement stockés à La Hague, en France. Et puis, on cherche, pour ces déchets à vie longue, on cherche un stockage définitif. Actuellement, il y a un site dans la Meuse, à 500 mètres de profondeur, dans une couche argileuse qui est imperméable, homogène, stable. Enfin, on cherche l'endroit où il y aura le moins d'eau par infiltration pour venir corroder les fûts ou éventuellement disséminer la radioactivité de ces éléments qui seront radioactifs au moins pour 200 000 ans. 200 000 ? Ah ouais, d'accord. Donc ce laboratoire souterrain, on l'a commencé, c'est un laboratoire, et le stockage définitif, on a estimé la facture à 35 milliards d'euros. Évidemment, on demande à EDF, à REVA et au CEA de payer la facture, et EDF a tout de suite sorti de son carton un sous-traitant qui avait une solution alternative beaucoup moins chère. Alors que ça faisait 10 ans, depuis 1991, l'ANRA est responsable de ce laboratoire pour déterminer les meilleures conditions de stockage définitif. Et aux États-Unis, il a fallu qu'en 2010, les États-Unis se disent « Ah ouais, mais le site argileux profond, ah nous, ça ne nous va pas et tout, alors je ne sais pas pourquoi. » Et finalement, le doute s'est installé dans tous ceux qui étaient en train de concevoir ce genre de stockage. En Suisse, c'est dans un sol granitique, quelque part, sous la montagne, qu'un tel stockage est en train d'être creusé. Enfin, d'abord, c'est un laboratoire, et ensuite, on transforme le laboratoire en vrai site de stockage. C'est plus de la recherche, c'est... On range et on n'en parle plus. Si, justement, il faut continuer à en parler. Ouais. Pour les générations futures, il faut quand même expliquer ce que c'est. Alors, il y a différents types de stockage. Soit on ferme et puis on oublie, on se débrouille pour qu'il n'y ait personne qui les retrouve. Soit on laisse ouvert, ce qui permet l'inspection, et ce sont des choix différents. Et puis ensuite, il y a les chantiers de démantèlement qui vont commencer, puisque les plus vieilles centrales, par exemple... En France, la première tranche qui a été démantelée, c'est Chinon 1, qui a été construite en 1963 et stoppée en 73. Et c'est le seul site qui a atteint le niveau de démantèlement niveau 3. Donc là aussi, tout est classifié, tout est codifié. L'AIEA codifie le démantèlement en trois niveaux. Le premier, c'est la fermeture sous surveillance. Donc on retire le combustible et puis on laisse refroidir la cuve, quoi. Il reste très peu de radioactivité, mais l'accès reste très restreint. Ensuite, on a le niveau 2, la libération partielle ou conditionnelle. On garde uniquement des zones d'accès restreint sur celles qui sont encore irradiées. Typiquement, il y a toujours des poussières qui s'infiltrent dans la cuve ou dans le bâtiment réacteur. Mais le reste des bâtiments, on peut déjà les démanteler, on peut faire intervenir des ouvriers avec des engins de travaux publics pour démonter les bâtiments. Et le niveau 3, c'est libération totale et inconditionnelle. Donc là, il n'y a plus aucune radioactivité sur le site. On peut attaquer le démontage du bâtiment réacteur. Voilà. Alors le principal problème du démantèlement, c'est la cuve, parce que le métal de la cuve est constitué d'un alliage qui contient du cobalt. Et malheureusement, c'est un mauvais choix. Pourquoi on a mis du cobalt ? Parce que le cobalt, on n'aurait pas dû mettre de cobalt. Parce que maintenant, voilà. Le cobalt a capturé des neutrons et il est passé sous l'état de l'isotope 60 qui lui est très radioactif avec une période de désintégration de 5 ans. Donc a priori, le métal de la cuve, son niveau de radiation sera acceptable dans 50 ans. Donc soit on laisse refroidir la cuve 50 ans sur site, soit on prend des risques pour la démonter. Juste comme ça, un petit ordre de grandeur, une cuve représente plusieurs dizaines de milliers de tonnes. En comparaison, la tour Eiffel, c'est 3000 tonnes de métal. Ok, ouais, ça donne une indication, effectivement. Voilà. Donc pour l'instant, on manque d'expérience sur les démantèlements, aussi bien au niveau des outils nécessaires, du matériel, et puis de l'exposition du personnel, enfin le personnel qui va travailler sur ce démantèlement, l'exposition qui risque de rencontrer. On envisage des conceptions de robots spécialisés, mais comme je vous dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Est-ce qu'on préfère pas simplement envoyer des hommes, ça va plus vite. Ouais, super. Et puis, moi, j'ai encore une question par rapport au démantèlement. Est-ce que c'est vrai que dans le coût du kilowattheure nucléaire, il n'est pas pris en compte? Alors, il est provisionné à peu près à 5%. Ok. Donc, là, le coût du... Là, j'ai une petite info sur le coût du... C'est pas public, hein. Les estimations du coût réel du kilowatt sont pas, même pas communiquées par EDF, mais on sait que EDF revend son courant 0,042. Alors, c'est 0,42 centimes, pardon, c'est 4,2 centimes d'euros le kilowattheure. Mm-hmm. Désolé. Et dans ces 4,2 centimes d'euros le kilowattheure, on estime à 80% le combustible. La valeur du combustible et les charges d'exploitation des centrales. D'accord. Le reste, on approvisionne des comptes pour le retraitement des déchets et le stockage à hauteur de 15% de ce montant et 5% pour le démantèlement des réacteurs. Mais le problème, c'est que le démantèlement des réacteurs, vu les retours d'expérience, on ne sait pas trop ce que ça va coûter. Juste pour... Le Royaume-Uni a réévalué le coût de son stockage et démantèlement. Initialement, c'était 85 milliards d'euros pour l'entier du parc du Royaume-Uni, estimation de 2008. En 2012, on parlait déjà de 130 milliards d'euros. D'accord. Donc, on ne sait pas, et plus le temps passe, plus les estimations augmentent. Un réacteur aux États-Unis, qui s'appelle Zion, est estimé, enfin son démantèlement est estimé à 1 milliard d'euros. Actuellement, la centrale de Brennils en France est en cours de démantèlement. On a déjà dépensé 480 milliards d'euros pour son démantèlement. Et je ne sais pas à quel niveau d'aboutissement ce projet en est, mais le compteur tourne. Ouais, ouais. En parlant de compteur qui tourne, tout à fait. Ouais, l'heure avance tellement que je te propose qu'on fasse quelques choix. De toute façon, tout ton dossier sera disponible en ligne sur le site de Podcast Science avec tous les détails. Pour ceux qui les cherchent. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est la suite des opérations. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles générations de centrales nucléaires qui sont plus sûres, qui n'ont pas tous ces inconvénients? Alors, actuellement, on est sur la génération 2. On est en train de déployer la génération 3. Donc, c'est l'EPR, typiquement. Dans ces générations 3, il y avait Superphénix, qui était un prototype qui a été arrêté, bien sûr. Mais un prototype qui n'était pas une suite logique, c'était un surgénérateur, c'était une autre technologie dont l'objectif était de consommer le plutonium comme combustible au lieu de l'uranium. Ce prototype a été arrêté, mais il revient pour la génération 4. On envisage de faire une génération 4 à partir de la surgénération à neutrons rapides avec caloporteur au sodium, donc c'est le principe de Superphénix. Le prototype qui est envisagé en France s'appelle Astrid. Le projet a été lancé il y a pas longtemps, donc ça fait partie de ce qui s'appelle le Forum Génération 4 lancé par les États-Unis en 2000 pour justement définir quel serait le réacteur de quatrième génération. Il y a 6 candidats qui ont été sélectionnés sur quasiment une centaine de projets proposés par les physiciens. L'EPR n'est pas de génération 4, c'est vraiment une suite des réacteurs à eau pressurisée, plus gros, plus puissant, qui est capable de consommer de l'uranium enrichi comme la génération précédente, mais aussi un combustible mixte uranium-plutonium pour tenter de diminuer les stocks de plutonium, mais de mon point de vue, ça n'est pas vraiment une réussite. Typiquement, quand vous mettez du plutonium... La baisse de quantité de plutonium dans le combustible est juste de 30% en 4 ans. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire disparaître nos stocks de plutonium. Mmh. Enfin, en tout cas, ça va prendre du temps. Et puis, vu les déboires des chantiers de l'EPR en Finlande, Donc l'EPR est financé par l'industrie papetière en Finlande. Hein. Je prends un raccourci, mais c'est ça. Le coût initial de 3 milliards d'euros a déjà quasiment doublé pour sa construction. Évidemment, c'était le premier. Je pense que Nicolas Sarkozy a lancé la construction de l'EPR à Flamanville comme un signal à la Finlande pour dire on ne va pas vous laisser seul en train de vous battre à résoudre les problèmes du prototype EPR, on va construire aussi chez nous. D'un autre côté, en Chine, il y a deux EPR qui sont en construction et les délais du chantier sont respectés. Peut-être aussi parce que l'autorité de sûreté chinoise est beaucoup moins regardante que les européennes. Voilà. Donc là, l'EPR, c'est génération 3. Le surgénérateur Superphénix, c'était plutôt génération 4. Mais dans les générations 4, il y a une alternative qui est ressortie, tiens, comme bizarrement, à suite à l'accident de Fukushima. On en parle beaucoup. C'est un réacteur qui exploiterait le cycle du thorium à la place de l'uranium. Donc je vais dresser un petit peu le tableau de... Donc le principe de la quatrième génération, parce que la troisième elle est bouclée, hein, c'est l'EPR ou les équivalents sud-coréens ou américains. Mmh. La génération 4, qu'on espère à partir de 2025 à peu près, pour les premiers prototypes. L'objectif, c'est d'atteindre un rendement global de 50%. Pour rappel, les générations 2 qu'on a actuellement sont à 33%. L'EPR, on estime son rendement à 36%. C'est pas encore garanti, on verra. Le rendement global, on va dire énergétique, serait de 50% pour ces générations 4. À ce propos, excuse-moi, on avait une question sur Twitter, mais les pertes de rendement, c'est quoi ? Les pertes de rendement, c'est les neutrons qui sont interceptés. C'est sous forme de chaleur non récupérée ? Alors, il y a la chaleur non récupérée de la cuve, et puis il y a la radiation aussi. Il y a la radiation, et puis les neutrons qui ne sont pas réutilisés pour une nouvelle fission, et puis qui finalement vont créer les déchets, c'est-à-dire les noyaux lourds d'éléments qui, eux, qui ne participent pas à la réaction nucléaire. D'accord. À la réaction en chaîne. Ok. Et justement, cette génération 4 au thorium, l'idée, c'est de produire moins de déchets et d'assurer le niveau de sûreté quasiment irréprochable. Même si l'EPR a empilé les niveaux de sécurité, d'ailleurs sa complexité est devenue difficilement gérable, il y a 4 trains de sûreté autour du réacteur, donc s'il devait y en avoir 2 en panne, il y a encore 2 qui permettent de maintenir le réacteur dans son niveau de fonctionnement ou une température stable. Donc c'est le premier réacteur aussi qui prévoit une cuve en béton sous le réacteur pour récupérer un éventuel cœur fondu. Voilà, donc l'EPR, j'arrête l'EPR. Donc la génération 4, le réacteur avec le cycle au thorium, c'est un peu particulier, c'est une conception complètement nouvelle, enfin pas vraiment, mais complètement différente de ce qui est déployé actuellement. Le principe est de mélanger le thorium, qui est aussi un noyau qui peut potentiellement participer à la fission, mais pas tout seul. Avant, il doit d'abord, il faut initier sa fission avec des neutrons qui viendraient frapper le noyau de thorium. Et à ce moment-là, il devient de l'uranium, qui devient ensuite du plutonium. Et là, on obtient une réaction en chaîne. Pour simplifier le schéma du réacteur, le combustible n'est plus à l'état solide, il est à l'état de sel fondu, liquide, donc c'est un mélange de différents éléments, qui va à la fois servir de combustible et à la fois de caloporteur. Donc il circule dans la cuve et les conduites, ce qui permet plusieurs choses. On est à peu près sûr qu'il n'y a pas d'emballement de la réaction en chaîne possible. On peut gérer en continu la quantité de combustible dans le flux, alors que pour un réacteur actuellement, on met tout le combustible pour 4 ans. Là, on peut ajouter du combustible au fur et à mesure, et on peut enlever les déchets au fur et à mesure pour maintenir le rendement du réacteur. Okay. Mmh. Ce qui se passe aussi, c'est que si le combustible liquide chauffe, il se dilate. En se dilatant, les noyaux de thorium s'écartent et la réaction en chaîne diminue, puisqu'il y a moins de probabilité d'entretenir la fission par choc des neutrons entre eux. Enfin, intervention des neutrons dans la fission des noyaux de plutonium, d'uranium qui sont dans le combustible. Autre avantage, il fonctionne à pression ambiante, donc a priori, pas de problème au niveau de l'enceinte, d'explosion, où on n'est pas aux 155 bars des réacteurs à eau pressurisée. Et puis en cas de panne, on a prévu un petit bouchon au fond de la cuve avec un bouchon cryogénique, donc c'est l'électricité qui maintient le bouchon sous forme de glace. C'est probablement pas de l'eau, mais voilà, sous forme de glace, ça maintient la cuve fermée. Et si on devait perdre l'alimentation électrique, bah, le bouchon fond. Et puis l'entier du combustible liquide va s'étaler dans des réacteurs, dans des réservoirs qui sont sous, dans la base de la centrale. Et le fait de s'étaler, ça va évacuer la chaleur. Il n'y aura plus de concentration de chaleur ou de possibilité d'emballement ou de création d'un magma à 2300 degrés. Donc ça, c'est les principes de base. Il y a d'autres avantages. Il faut se dire quand même que, certes, c'est assez révolutionnaire, mais en 1965, il y a déjà un prototype qui a fonctionné pendant 13 000 heures dans le laboratoire d'Oak Ridge aux États-Unis. Et pendant ces 13 000 heures, il y a eu très peu d'incidents, quasiment rien. Pour un prototype, c'est juste exceptionnel. La disponibilité et le rendement sont bien meilleurs. Le thorium est aussi plus abondant dans la nature et mieux réparti sur la planète. Ça évite des problèmes géopolitiques au niveau de l'approvisionnement. Et en plus, la quantité de déchets à vie longue est à peu près 10 000 fois moindre que ce qu'on peut avoir avec les réacteurs de génération actuelle. Il y a des déchets de vie très courte, mais là, on pourrait les gérer très facilement. D'accord. Si j'avais pas entendu le début du dossier, je me demanderais pourquoi on n'a pas choisi le thorium tout de suite. Mais j'ai expliqué que c'est un usage nucléaire, effectivement. Ouais, c'est quand même dingue, ça. Ouais, donc on est toujours victime de cet héritage-là. On n'a pas laissé le temps. Les physiciens étaient prêts. Les physiciens ont essayé de motiver l'AIEA pour diffuser le réacteur au thorium et mettre de l'investissement dessus. Et finalement, l'investissement est parti sur la sûreté du réacteur militaire, on va dire. Ouais. Voilà. Et autre avantage encore, allez, ce réacteur, il va consommer aussi les déchets de la filière uranium, tant qu'on y est. Ok, donc on va pouvoir recycler les déchets. Oui, et puis en les recyclant, on va obtenir des éléments moins radioactifs ou à durée de vie de période radioactive plus faible. Et quasiment un usage militaire est impossible avec ce cycle. Bon, pas impossible, très complexe et très dangereux, donc il faudra déjà s'y lancer. Donc vous ne pouvez pas dire à l'Iran, on vous fait un réacteur au thorium et puis on vous surveille. Ben, ce qu'on fait dans les pays où on déploie le nucléaire civil, on les surveille pour être sûr qu'ils ne fassent pas, des bombes. Ouais. Exactement. Mmh. Mais bon, ils essayent toujours. Hein. Enfin, certains pays essayent après. Mais tout n'est pas rose. Il y a quand même des problèmes à résoudre, des problèmes techniques. Pour l'instant, l'alliage métallique qui constituerait la cuve et qui résisterait à la corrosion et à l'irradiation pendant 60 ans n'existe pas encore. On a une petite idée, mais voilà, il faut les tester et puis c'est pas évident. Okay. Et puis au niveau budgétaire, bah, le financement de recherche et développement est juste monstrueux. Et quand on voit déjà ce qu'a coûté la conception de l'EPR pendant 10 ans, c'est quelque chose comme 1 milliard d'euros. Non, pardon, j'exagère. C'est 1 milliard de francs en français ancien, donc je ne sais pas ce que ça fait. Ça doit faire 150 millions d'euros. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Bien, et en comparaison, bah, finalement, les milliers d'expériences d'exploitation de réacteurs à eau pressurisée et leur rentabilité immédiate pèsent beaucoup dans ces choix de technologies prometteuses. Mais voilà, donc on ne les verra pas avant plusieurs décennies, probablement. Alors, pour la conclusion, j'ai un peu dépeint un grand tableau. L'industrie électronucléaire, c'est un ensemble international très complexe. Et puis, la technologie actuelle a atteint son niveau de maturité, mais l'inertie et la résistance au changement de l'industrie est telle que finalement, on préfère rester sur, entre guillemets, une technologie imparfaite sur laquelle on essaye de minimiser au maximum les risques plutôt que de chercher une alternative. Et ce qui peut être décevant, c'est qu'on va investir des milliards d'euros pour un prototype de réacteur à fusion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être que cet investissement aurait de meilleures chances d'aboutir à un réacteur à fission plus stable, plus sûr, dans une dizaine d'années, plutôt que dans un réacteur à fusion dont on nous annonce la disponibilité dans 50 ans, et ça fait à peu près 30 ans qu'on nous dit. Voilà. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue, les Chinois, eux, ils travaillent. J'ai juste quelques chiffres qui peuvent indiquer l'état actuel, c'est assez impressionnant, ils sont où les chiffres ? je les retrouve plus. Ok, bon, écoute, c'est pas grave, on les retrouvera dans le dossier. Ils sont dans ton dossier, de toute façon. Dossier qui est assez long, quand on voit les pages empilées comme ça. Actuellement, dans le monde, il y a 433 réacteurs en service. Alors, c'est des chiffres de décembre 2011, quand même. Ok. La Chine est en train d'en construire 62 en ce moment. Pardon. Il y a 62 réacteurs en construction dans divers pays, essentiellement la Chine, l'Inde, la Russie, la Corée du Sud. Et on a à peu près 500 projets de construction de réacteurs. Donc c'est pas Fukushima qui a réduit les ardeurs des électriciens qui ont besoin de fournir de l'électricité à leur gouvernement et à leur population. Ok, donc sortir du nucléaire, c'est pas partout. Il y a ceux qui le tentent. Je dis bien qu'il le tente. L'exemple de la Suède, je vous invite à voir l'exemple de la Suède, c'est assez... La sortie du nucléaire votée en Suède depuis 1980, il n'y a que 2 réacteurs sur 12 qui ont été arrêtés à ce jour. Ah ouais ? Bon, il y a des éoliennes partout en Suède, c'est assez impressionnant quand on y va. Mais tout le monde croit que les réacteurs de Suède sont arrêtés, non ? Okay. Il y a encore 10 en fonctionnement, et le moratoire sur la construction de nouveaux réacteurs a été levé récemment, à condition que ça n'ait que pour remplacer les existants. Hmm. Mais la sortie du nucléaire votée par le peuple n'est pas pour demain. Et on va voir ce que va donner l'exemple allemand. D'un autre côté, l'Allemagne est en train de grignoter ses montagnes de charbon. Donc ils peuvent se permettre d'éteindre le nucléaire, mais pour combien de temps ? Ouais. Voilà, donc okay. C'est vrai que c'est. La Chine, c'est impressionnant. La quantité. Ici, j'ai une infographie. C'est pas grave, tu sais, de toute façon les auditeurs ne pourront pas la voir. Non, mais c'est pour compter un petit peu. Bon. Des projets, les États-Unis ont encore des réacteurs en projet, la Grande-Bretagne aussi, l'Arabie Saoudite. L'Italie, c'est un peu particulier parce qu'ils sont sortis du nucléaire, ils veulent y rentrer à nouveau. Et le simple fait de remettre. En place toute la sûreté, les lois, les contraintes, et ainsi de suite. Puis ils ne construiront pas leur premier réacteur avant 10 ans, très probablement. Et c'est assez étonnant d'en être sorti pour en revenir. Mais comme quoi, oui, la sortie du nucléaire, je pense que c'est. Pour beaucoup de pays, ça va être dur. Alors, on n'a pas vraiment d'alternative, quoi. Enfin, tout le problème est là. Ouais. Ok, écoute Yves, on va en rester là pour aujourd'hui. Oui, mais je savais que ce serait très long, mais à ce point-là, vraiment. Ce qui se passe quand on met 2 Suisses en même temps, ça fait un podcast de 2 heures. Voilà, c'est le facteur multiplicatif. Écoute, j'ai passé énormément de temps à me documenter, j'avais beaucoup de choses Franchement, ça valait le coup, hein. C'était super intéressant. Merci. Merci pour votre compréhension et votre indulgence. Et puis pour ceux qui chercheraient des compléments d'information, donc le dossier, je ne sais pas si vous avez déjà juste publié. À vérifier si tu as battu le record. Ouais, peut-être pas tout à fait encore. On va essayer de on va essayer de limiter les dégâts justement. Donc le dossier est peut-être pas en ligne à l'heure où je vous parle, mais il le sera dans les heures qui suivent. Il y a encore d'autres informations. Il y a toutes les références sur lesquelles tu t'es basé, Yves. Sacré dossier, vraiment costaud. C'est vrai qu'on sort d'une période estivale où on a fait des choses un peu plus légères. Là, c'était du lourd. Tu donnes le ton de la rentrée. De l'eau lourde, ouais. Des noyaux lourds, que du lourd. Ouais. Okay. Même l'eau est lourde. Ouais. Parfait. On a encore 2-3 petites choses à dire, mais on va être extrêmement rapide. On va conclure rapidement. Le son de la semaine, que je trouvais très rigolo, je vais le garder pour la semaine prochaine. On n'a pas de teaser pour la semaine prochaine. On va faire simple. Soyez là. La semaine prochaine, c'est notre 100e. Donc rendez-vous le 23 août à 20h30 dans la chatroom, en tout cas. Ou si vous êtes du côté de Lausanne, on sera toute une équipe ici. Dans un studio parfaitement improvisé. Yves, tu es bien sûr le bienvenu si tu es dans les parages la semaine prochaine. On aura Nico sur place qui viendra de Paris, on aura Mathieu aussi, et puis on aura le reste du monde en duplex. Je voulais juste signaler un petit plug, c'est le début d'une semaine spéciale Boson de Higgs sur Strip Science, ça a démarré aujourd'hui, c'est du gros délire, c'est super, donc il faut absolument y aller. Et puis, une quote, quand même. Nico, tu nous avais déniché quelque chose ? De quoi? Une quote. Je l'ai pas sous les yeux et je t'entends très mal. Ok, alors je vais la dire moi, donc c'est toi qui l'avais déniché juste avant l'émission. Il est plus facile de désagréger un préjugé qu'un atome. C'est d'Einstein. Voilà. On vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis quand même, le petit rituel de fin d'émission. Franck, je te laisse la parole. Eh ben oui, n'hésitez pas à partager ce podcast sur votre réseau social préféré, Twitter, Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre, nous noter sur iTunes et sur notre site internet, en bas de chaque dossier, vous avez des petites étoiles qui nous permettent de savoir ce qui vous a plu ou pas. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Voilà. Merci à tout le monde dans la chatroom. Une chatroom en feu ce soir. C'était En du pleine délire. forme, ouais. Merci à tout le monde. Merci à Nico pour les illustrations en live dans la chatroom qui étaient spécialement inspirées cette fois. C'est ça. Et puis donc on se retrouve. Enfin encore merci à Yves pour ce dossier. Et puis on encourage évidemment les auditeurs à suivre ce genre d'initiative. Si vous êtes passionné d'un sujet, que vous avez des tonnes de choses à nous dire, que vous êtes bien documenté, que vous avez des sources bien référencées, que vous êtes prêt à y passer énormément de temps, bah, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Oui, même si vous n'êtes pas prêt à y passer énormément de temps, pour commenter un dossier sur un sujet qui vous intéresse aussi, vous pouvez venir participer. Finalement, il ne faut pas non plus préparer énormément, sinon on dépasse On fait des dossiers largement. trop longs. On fait Ouais. des dossiers trop longs, donc. Yves, tu reviens quand tu veux. On en reste là, donc on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 23 août à 20h30 pour la centième. Et d'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. À tout bientôt. Au revoir. Salut.